Hier, j'ai mangé un barbecue. Ma brochette, elle était même pas cuite. Et ben moi, mon père, il allume le feu avec de l'alcool à brûler. Et ben moi, le mien, il fait de la magie. Il rallume le feu avec de l'essence et ça fait vrouf avec une très grande flamme. Et si nous transmettions la bonne attitude sur un barbecue, ni essence, ni alcool? Attitude prévention. Les assureurs se mobilisent. Troisième temps d'une série de documentaires de la Fabrique de l'Histoire consacrée aux révolutions des années 1960, révolution politique mais aussi révolution artistique. C'était en 2010 dans la Fabrique de l'Histoire et Anaïs Quien et Séverine Cassard avaient réalisé un documentaire sur peinture et révolution Cuba 1967. Que s'était-il passé à La Havane en 1967? Eh bien, un événement important au niveau de l'art contemporain, le déplacement du Salon de Mai, grande exposition d'art contemporain parisienne organisée depuis la Seconde Guerre mondiale à Paris, du côté de La Havane. Et qu'allaient donc faire les artistes là-bas dans ce moment effectivement très fort de révolution politique à Cuba? Eh bien, nous allons le savoir en écoutant ce documentaire jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire qui nous raconte ce moment particulier de cette histoire franco-cubaine avec les témoignages de Maurice Nadeau, de Pierre Guyotat, de Margarita Camacho, de Jacques Monory et de Bernard Rancillac. Pour exprimer des idées reçues, Cuba était une île en forme de cigare version messieurs, une île en forme de crocodile version dame. Depuis la révolution cubaine, tous les Cubains sont barbus à cause de Fidel Castro. Et depuis la crise des Caraïbes, Cuba est une mine flottante. Tout de même, la curiosité pour Cuba est vive. On commence à savoir que les Cubains ont fait leur révolution avec lyrisme, que leur marche en avant est aussi une danse, la conga, qu'ils disent avec sincérité la patrie ou la mort, que certains en sont morts, mais que cette patrie existe. Peinture et révolution. On passait là sur cette fameuse rampa là. Donc nous on habitait en bas du côté de la mer. Et alors là il y avait à droite, il y avait l'hôtel international là, très grand, immense, et qui monte directement là-haut vers le centre moderne de la ville quoi. Et au milieu, il y avait à gauche, il y avait le funérarium, et à droite, il y avait un espèce de grand espace pour les expositions. Et en une semaine, enfin, je sais qu'on a dû arriver une semaine avant, nous, ou 10 jours. Donc, il y avait le Salon de Mai, augmenté de quelques œuvres d'artistes cubains qui avaient dû râler un peu en disant il n'y a pas de raison que. Et puis, enfin, bon, le peuple avait peut-être la parole un petit peu. Enfin, en tout cas, les artistes bien vus par le gouvernement, c'est toujours pareil, non ? Les pays comme ça... Il y a un mot qui m'était venu à l'esprit, mais que je ne vais pas prononcer. Totalitaire. Il y avait une estrade où les anciennes girls de Batista, enfin des anciens dictateurs, étaient restées plus ou moins, s'étaient socialisées elles aussi, et faisaient le striptease. Mais c'était un striptease socialiste. C'est-à-dire qu'elles étaient nues, mais elles dansaient pour le salon, pour nous, etc. Bon. Ça ressemble à quoi, un striptease socialiste ? Ben, c'est comme un autre. Seulement, il est fait dans le but, dans un autre but, non pas d'exciter les gens au rapport sexuel, mais à la beauté du corps féminin. Enfin, c'est tout à fait autre chose. Et on était dans cet état d'esprit. La moitié de l'île avait été venue en autocar ou je sais pas quoi. Donc il y avait des dizaines de milliers de gens qui étaient venus, qui remplissaient tout le quartier, qui criaient, qui défilaient. Puis il y a eu des discours, évidemment. Que vous avez compris ou pas, puisque vous ne parliez pas espagnol? Mais on essayait pas de comprendre. Vous aviez un traducteur, peut-être? Il y avait trop de bruit. Non, même pas, mais c'était toujours pareil. Vive Cuba, vive la révolution, enfin, etc. quoi. Sur le principe, vous étiez d'accord? Oui, c'est ça. C'est ça qui est terrible. Je crois que quand... je dis que c'était un guet-apens, mais bien accepté par nous-mêmes. Et ce qui est terrible, c'est que c'est très difficile de dire « je me suis trompée ». Tout simplement. Tout simplement. Fidel Castro desde Oriente, a Batista combatió. Fidel Castro desde Oriente, a Batista combatió. Y a la patria libertó con sus hombres dignamente. ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel y la bandera cubana! En 1967, le Salon de Mai emmène avec lui ses artistes et ses œuvres d'art à Cuba pour fêter la Révolution. Plusieurs centaines d'intellectuels partent ainsi sur les traces de Jean-Paul Sartre et de Simone de Beauvoir, qui ont chanté les louanges de cette île dressée contre le géant américain. Staline est tombé de son piédestal, le communisme du bloc de l'Est ne fait plus rêver les âmes en quête de lyrisme créateur, alors qu'à la Havane, le régiment défile en dansant. L'enthousiasme y est obligatoire, on tente de prouver que le communisme peut être festif. Surréalistes, abstraits ou figuratifs, écrivains et journalistes font ce voyage pour y goûter l'exotisme et les honneurs. Fidel Castro et le peuple cubain les reçoivent avec faste, on tente de mettre des couleurs à la guérilla. Che Guevara est allé allumer d'autres révolutions en Amérique du Sud, mais en attendant, Cuba apparaît comme la miraculée, la chimère, vraiment trop belle pour être vraie. Que viva Fidel, que viva Fidel, que viva Fidel. Ce voyage, ça a été sollicité Margarita Camacho par Carlos Franchi et puis Wilfredo Lam, les peintres cubains, les grands peintres cubains. Ils ont eu l'idée, les Salons de Mai qui s'organisaient à Paris tous les ans, ils ont sollicité de l'amener à La Habana. Alors, tout le monde était euphorique, on était invités avec tous les luxes du monde. Donc moi j'ai travaillé, Wilfredo Lam m'avait dit à ce moment-là, je n'avais pas de travail, il m'a dit de l'aider et j'ai travaillé 2 mois avec lui pour envoyer les invitations, un peu comme une sorte de secrétaire, que je n'étais pas là, mais bon. Bon. On s'est retrouvés à La Habana, on était tout à fait défendait la révolution à contre tout. Et bon, on est arrivés là-bas, reçus merveilleusement bien, on s'est installés à l'Hôtel National, pour 15 jours à peu près, je crois. Et puis voilà. Jacqueline Sens, ma première femme, et Wilfredo Lam et moi... Nous avions travaillé pendant des semaines, des mois, même une année entière. Yvon Taillandier. Pour convaincre le comité du Salon de Mai de la nécessité des avantages nombreux qu'il y avait exposés à Cuba. Et puis convaincre enfin tous les gens qui nous aidaient que c'était quelque chose d'important. À l'époque, on jugeait en France... que la révolution cubaine était enfin une révolution communiste, j'allais dire cubiste, je l'ai dit d'ailleurs, une révolution communiste enfin réussie, qui n'est pas dirigée par des bourreaux, qui ne fait souffrir personne. Et vous savez, Fidel Castro avait l'intention de faire de son île, non seulement une île, mais un État modèle. Alors, au moment où le Salon de Mai a été invité, il voulait que Cuba devienne l'île par excellence de l'art moderne. Quand vous avez lancé les invitations aux artistes du Salon de Mai, Yvon Taillandier, est-ce que certains ont refusé de faire ce voyage à Cuba? Oui, Alechinski a refusé. Pourquoi? Parce que Fidel Castro avait pris parti... contre Jérusalem, contre l'État juif. Contre Israël. Israël, voilà. Alors, moi, je suis tout à fait hostile à la position de Fidel Castro, mais à l'époque, n'étant pas juif, je n'ai pas senti la chose comme Alechinski. Mais Alechinski, très courageusement, a dit non, je ne veux pas y aller. Il y avait, écoutez, il y avait donc Michel Leiris, Marguerite Duras, Denis Mascolo, Il y avait beaucoup de surréalistes, pas des grands, hein, mais des surréalistes, les uns très intéressants, les autres très pénibles, enfin, très comme ça, très solennel. Pierre Guyotat. Etc., un peu vain, quoi, mais sympathique. Il y avait Maurice Nadeau, enfin, donc, bien. Qui avait-il comme auteur? Je ne me souviens plus très bien. Il y avait beaucoup de peintres, évidemment. Il y avait évidemment le Wilfredo Lam, qui était une sorte de peintre cubano-français, qui était un homme délicieux, un grand bonhomme, extrêmement drôle, en même temps réservé, en même temps qui parlait un langage international étonnant. J'ai toujours aimé ce genre de langage où il y a de tout, mais on comprend très bien. Et lui-même était de tout. Il était chinois, africain, c'était étonnant, c'était un personnage magnifique. Donc j'ai pas mal sympathisé avec lui. Il y avait des peintres, il y avait les sculpteurs César. Et comme j'étais le plus jeune de la délégation, que je n'avais jamais participé à ce genre de choses, et que ça a été du reste le premier et le dernier voyage que j'ai pu, d'intellectuel que j'ai fait, c'était donc la première fois. Donc c'était pour moi une expérience mondaine aussi. Mondaine au sens fort, pas au sens réduit. Hein. Quand Fidel Castro faisait des discours, il nous désignait dans la tribune, il disait « Mas prestigiosos intellectuales en Europa ». C'est les plus prestigieux intellectuels d'Europe. C'était un long voyage quand même, à l'époque malgré tout. On était passé par Madrid. Et le survol de l'Atlantique, avec les poissons volants, c'était magnifique. Je me souviens très bien de ça. Parce qu'on voyageait assez bas. Et on est arrivé là-bas, on a été reçus magnifiquement. On est allé depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel avec une sorte d'escorte. Il y a eu des discours sur le tarmac, je pense. À peine avions-nous pris possession de nos suites, parce qu'on était très bien logés. Moi, j'étais à côté de la suite de l'ambassadeur de Chine, qui n'avait pas de locaux encore et qui logeait là provisoirement, avec ses enfants, qui couraient dans les couloirs. Et sitôt nos affaires installées, il y avait des cadeaux partout dans les chambres, cigares, rhum, etc. Extraordinaire. Et nous sommes tous réunis en bas, et évidemment en bons intellectuels de l'époque, nous avons fait une pétition, mais un texte d'accueil pour remercier Cuba, Castro, le peuple cubain, etc. La terre entière, quoi. La révolution, de nous recevoir. Il y a eu donc un débat, bien entendu, dans le hall, avec les risques comme ordonnateur des choses. Vous imaginez bien, avec Mascolo, Duras, les choses ne se passaient pas comme ça. Le moindre mot était pesé, et il y avait tout de suite des gens qui n'étaient pas d'accord, je pense, qui pensaient qu'il fallait attendre qu'on ait vu des choses. Et il faut le dire aussi, quand même, à la décharge de tout le monde, c'est qu'on n'était pas... Pour moi, je peux rien dire du tout, mais pour mes aînés, si vous voulez, c'était mes aînés, ils n'y allaient pas comme ça... Les yeux fermés, les oreilles closes, pas du tout. Il y avait quand même l'expérience du soviétisme tout de même. C'était quand même un pays communiste, malgré tout, 67. Période très intéressante de la révolution cubaine, le reste. C'est pas comme maintenant, c'était pas du tout comme maintenant. Donc, si vous voyez, il y avait quand même une interrogation et un doute. Et ce doute, il y avait ceux qui pensaient qu'il fallait remercier. Et puis il y avait des gens qui disaient, il faut attendre. Nous ne savons pas ce qui se passe, nous allons enquêter, nous allons voir. Voilà. Le souvenir moi, que j'ai, c'était un souvenir délicieux, qui a bien changé depuis. Maurice Nadeau. Non, c'est parce qu'on croyait, on croyait beaucoup de choses. On était jeunes et les temps étaient tels à l'époque, enfin ça a beaucoup changé, qu'on était dans une certaine exaltation, mais lucide toutefois. On n'était pas naïfs, mais on croyait à la révolution. Et Mascolo avait été communiste pendant la résistance, communiste à Saint-Germain-des-Prés. Enfin bon, il n'était pas dans le maquis. Hein. Moi, qu'est-ce que j'étais? Je sortais de 15 ans de trotskisme. Enfin, j'avais été communiste. Puis... anti-stalinien, enfin le régime russe finalement nous avait tous un petit peu refroidis, hein. On s'était aperçu que c'était pas tout à fait ce qu'on rêvait, et on arrive dans un pays où ce qu'on rêvait était en train de se réaliser. Mais moi, je venais voir les écrivains, Jean Schuster qui venait voir les surréalistes cubains, Léris venait voir les anthropologues, et ça n'a pas été possible de voir tout le monde. On prépare le vernissage du Salon de mai. Une fresque collective est peinte à cette occasion. Chaque artiste a quelques centimètres pour s'exprimer. Voilà, moi j'étais là. Je crois que c'est Arroyo qui avait eu cette idée. C'était énorme. Ça a été peint la nuit. Jacques Monory. Avec des projecteurs. Il y avait de la télévision, de la musique, les gens qui venaient regarder. La distribution de cigares à tout le monde. Pas moi, je ne fume pas, je m'en foutais. Mais tous les types, mes collègues, peignaient avec un cigare à la bouche. Et puis j'avais la chance, je parlais espagnol. Comme ça, j'ai pu avoir deux petites amies, en toute honnêteté, des petites noires cubaines. Et dans la murale qu'on a fait, moi, j'ai peint ces deux jeunes filles. Ce que j'avais trouvé de plus charmant là-bas, c'était ces demoiselles. Alors je les ai honorées en les peignant. Et vous avez un casier qui n'est pas fait, c'est le mien. J'étais assez inexpérimenté à cette époque-là. Tout le monde mettait des trucs extraordinaires. Et Léris avait mis vive à Cuba, rose, vive Cuba, rose de la Révolution. Je ne sais pas. Ça n'engageait pas à des masses, comme on dit. Hein. Mais c'était au milieu. Bon, le Salon de mai, c'est toute une histoire. On mettait les tableaux. Bon, il y avait les tableaux, mais à côté des tableaux, il y avait des taureaux. Il y avait un taureau qu'ils avaient importé du Canada, qu'ils devaient ensemencer toute l'île, rien que par ses saillies. Et alors, il fallait l'admirer au même titre que les peintures des peintres parisiens. C'est ça qui était extraordinaire. Bon, il n'y a pas de différence, ce taureau, regardez comme il est magnifique. Oui, et ces femmes qui dansent, regardez comme elles sont magnifiques. C'était ça. C'était une impression absolument extraordinaire. Ah, puis alors, il y avait une œuvre de Fidel. Bernard Ranciac. Une toile ? Non, parce qu'il n'est pas aussi con que certains le disent. Il avait déjà compris que les installations maintenant, mais c'était, il avait été plutôt à l'avant-garde. Hein. Il avait exposé un taureau qu'il avait acheté aux Canadiens, et puis un canon anti-aérien que les Russes lui avaient envoyé. Je trouvais que c'était vachement intelligent, au lieu de faire un petit dessin à la... L'installation, c'était ça, c'était un canon anti-aérien avec un taureau vivant. Oui, ben, il y avait un coin, c'était, voilà, Fidel Castro expose, voilà, c'était ça. La revolución cubana, venimos a defender la revolución cubana, porque es hermana gemela de la lucha americana, porque es hermana gemela de la lucha americana. Y Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, y aquí no. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, y aquí no. Avec nous, il y avait beaucoup d'autres délégations aussi. Comme il y avait à l'époque, oui, j'ai oublié de vous dire ça, c'est important, il y avait... Ce qui m'avait attiré beaucoup aussi, il y avait ce qu'on appelait la OLAS, la conférence de la OLAS, Organisation latino-américaine de solidarité. Il y avait tous les maquis possibles et imaginables, non seulement d'Amérique latine, mais du monde, qui étaient là. Si les États-Unis avaient voulu faire un carton, c'était extraordinaire. Il y avait les Panthères Noires, il y avait les Viet Cong qui étaient là. On a beaucoup voyagé avec le Viet Cong, avec le théâtre aux armées Viet Cong, si je peux dire, la musique et tout, qui chantaient des cantates un peu à la Prokofiev ou à la Shostakovich. Des cantates vietnamiennes, faites probablement en Russie, probablement, j'imagine, parce que le Vietnam était invivable, mais sur le modèle soviétique, avec des harmonies, un petit peu d'asiatique quand même, dans quelques instruments et tout. Et elles étaient toutes là, toutes ces petites vietnamiennes du Viet Cong, très charmantes, très jolies, autour de lui, et lui tiraient les poils de sa grande barbe, et ce surréaliste disait... Mais c'est Neptune et ses nymphes. Et c'est vrai, c'était assez drôle. Il n'avait pas de trident, il avait le trident, il était au prince, au principio, si je peux dire, à la prison. Mais c'était juste. C'était vraiment un personnage extraordinairement puissant et extraordinairement charismatique, très puissant. Soy Cuba. Los hombres cuando nacen tienen dos caminos. El del yugo que obliga y sojuzga o el de la estrella que ilumina y mata. C'était l'époque encore où Fidel Castro, c'était la liberté, l'intelligence, la prise du pouvoir par des brutes. Mais c'était les derniers mois, en fait. Je me suis aperçu. Après, ils ont commencé à mettre les homosexuels en prison, les trucs. Mais au moment où vous y êtes allé... Non, c'était encore parfait. C'était très, très bien. Je me suis baladé, on m'a baladé, je me suis baladé. Los hombres cuando nacen tienen dos caminos. Escogerás la estrella. Mais sinon, on voyageait, on circulait dans la ville, ensemble quand même, par groupe. On était toujours invités, de toute façon, dans les écoles, l'université, les écoles d'art. Et puis, on a fait un grand trajet aussi, dans l'île. On est allé au bout de l'île, là, du côté de Santiago. Pierre Guyotta. Tout simplement de la Sierra Maestra. On a retrouvé Castro lui-même. Ça, c'était très intéressant. La vanne, c'était un peu barbant, il faut bien le dire. Ces fiestas, c'était un peu ennuyeux. Mais ce voyage, qui a duré quand même pas mal de temps, il dure une semaine quand même, c'était très intéressant. On est parti en wawa, comme on disait. La wawa, c'est ça veut dire un vieux car. Donc deux wawa, très brinque-ballon, on est parti, on a fait c'était à 300 km, je crois, dans la région où la révolution a commencé. Alors, on a été logé à Santiago, je me souviens, dans des HLM qui venaient d'être à peine achevés, qui avaient été construits par les soviétiques. Il y avait une présence soviétique importante. Donc nous avons logé dans des appartements qui étaient destinés aux ouvriers de Santiago, un petit peu sur la colline, je me souviens. Et je me souviens, Duras s'est installé dans un lit en bas. Les riches, je pense, ont eu droit peut-être à une chambre quelque part, tout ça. Mais dans le même immeuble. C'était drôle et sympathique comme idée. Faire dormir des intellectuels, tout de même, intelligentsia quand même assez, sinon fortuné du moins, ayant ses aises quand même, hein, à Paris. Dans un HLM. Donc voilà. Et tout de suite, on en avait été embringué dans des discours, et on a entendu le plus long discours que j'ai entendu de ma vie, moi. 4 heures à Santiago, sur la grande place centrale, pratiquement devant la mer. Et on a entendu ce discours extraordinaire. C'était plus religieux que politique, parce que les gens les gens suivaient le discours, avec en quelque sorte des choses comme ça, beaucoup plus que par des cris, pas de cris, je crois pas. C'était plutôt des espèces de respirations, vous voyez, des choses comme ça. Amen, des amen en quelque sorte. Et lui terminait toujours ses discours par une série d'envois. Un abrazo a, etc., un abrazo a tel combattant de tel endroit du monde. C'était très extraordinaire. C'était au Vietnam, partout, en Afrique, au Vietnam, oui. Et puis il y avait des grandes choses sur l'Amérique, bien entendu. Aquí Radio Rebelde, transmitiendo desde las montañas de Oriente en la Sierra Maestra, territorio libre de Cuba. Tú campesino, tú obrero, tú estudiante, tú cubano. Levanta el brazo armado. La revolución lucha por la plena y absoluta soberanía nacional de nuestra patria. La revolución lucha para que la educación no sea un privilegio de minorías y todos tengan las oportunidades para estudiar. Soy. On a passé notre temps à visiter, bien sûr, puisqu'il nous faisait parcourir toute l'île. Maurice Nadeau. On est allé voir aussi bien la baie des Cochons où avaient débarqué les Américains et s'étaient fait battre sur la Pajarirón. On avait voulu voir l'endroit où ils avaient été emprisonnés. Les Cubains les avaient gardés chez eux. On allait en même temps se baigner pour essayer de défier les crocodiles ou les requins, je ne sais pas ce qu'il y avait dans ces eaux-là. Enfin, on voulait voir un peu tout. S'il y avait des hôtels, si c'était vraiment des hôtels de luxe. On voyait bien que c'était les travailleurs qui occupaient les lieux, que ce n'étaient pas des touristes. Ils avaient tout nationalisé. Bon, on était voir les usines, on était allé dans les plantations, on était allé voir la fabrication du rhum. Ils commençaient déjà à faire des cultures grandioses. Par exemple, c'est tout à fait ridicule, mais on ne voyait pas le ridicule de la chose. Ils voulaient, par exemple, planter des champs de fraisiers. Alors on était allé voir on n'appelait pas ça des colcos, c'était des ateliers agricoles commandés par des femmes formidables. On voyait ces pauvres fraisiers, c'était pas la terre qu'il leur fallait, c'était pas le climat, c'était rien du tout. Et on les voyait se faner, ça vous arrachait le cœur, mais en même temps, c'était l'espoir, on arrivera à faire pousser des fraises dans ce pays. Voilà quelle était la tendance en général. C'était toujours plein d'espoir, plein de volonté, etc. Et l'URSS, les démocraties populaires, ça nous paraissait loin dans un passé révolu. Jamais ils ne feront les mêmes bêtises que ceux-là, etc. On ne se rendait pas compte. On était ravis. Aquí Radio Rebelde. Et alors on est monté en car dans la Sierra Maestra, là où le maquis avait commencé, sur l'île en tout cas. Hein. On est allé sur les sentiers de la guérilla et on a eu un dîner le soir même, ou le lendemain soir, je ne sais plus très bien, après un immense discours de lui aux paysans, qui a duré aussi 4 heures, tous les jours, c'est extraordinaire, la puissance. Il y avait une immense suite de tables sur une espèce de crête. J'ai souvenir de ça. J'en rêve souvent du reste. Une espèce de suite de tables, mais je ne sais combien de tables, des centaines de tables avec des nappes blanches, dessus le porc au haricot rouge, etc. Et puis une espèce de gigantesque dîner. Et lui terminant son discours à l'autre bout, dans le village, et venant avec nous, se mettant à côté de Michel Leiris, et disant à Michel Leiris, qui est très drôle, alors dans la nuit, comme ça, je pense qu'il y avait des lampions, peut-être des choses comme ça, avec des chiens, des enfants partout qui couraient partout, sous les tables et tout. Et lui disant à Michel Leiris, Monsieur Leiris, etc., tout ça en espagnol, il faudrait que vous arriviez à convaincre le général de Gaulle de venir nous voir à Cuba, car c'est la personnalité la plus célèbre du monde, et c'est la plus célèbre à Cuba, bien entendu. Alors Leiris, qui était anti-gaulliste, comme c'était pas possible, bien entendu, devenait tout rouge. Il était très drôle quand il devenait tout rouge. Plus rouge encore que les haricots étaient dans l'assiette. Et il dit oui, fidèle. Amusant. Il y a eu aussi un extraordinaire moment à Guantanamo. Nous sommes allés à Guantanamo, à la partie cubaine. Hein. Et en bas, nous étions sur une colline, complètement pelée et tout. Et en bas, sur la mer, il y avait la base américaine. À l'œil nu, on voyait la base américaine et même on voyait les soldats à l'œil nu. Tout ça avec la mer au bout, c'était extraordinaire. Et les Viet Cong, encore une fois, nous ont fait un spectacle au sommet de cette colline. Ils ont installé un podium pendant 3 heures avec des haut-parleurs dirigés sur la base américaine. C'était drôle, non? En 67, c'était la guerre froide, dans toute sa splendeur. Vous avez un groupe de théâtre Viet Cong là-haut qui chante des cantates à la Prokofiev, à Shostakovich, sur les bienfaits du communisme, etc. Et puis vous avez en bas les soldats américains qui, je veux dire, ils nous répondaient par des choses d'Elvis Presley, des choses comme ça, du rock par exemple. C'était une guerre musicale. Ay, ay. Nous, de notre côté, ça a été une aventure très particulière, puisque... Margarita Camacho. Quelques jours après, on s'est promené dans La Havane. Et puis, dans une librairie, on s'est arrêté et on a vu des livres de la vitrine. Marx, Lénine, Noyer. Et puis, un petit livre qui s'appelle « Celestino antes del alba », en espagnol. Ici, ils l'ont appelé « Les puits » après, quand ça a été publié. Et on a demandé qui est Reinaldo Arenas. Alors, on nous a dit que c'était un écrivain. Il avait 24 ans, très talentueux. Et puis, bon, on est rentré, on a acheté les livres. Et Jorge, pendant la nuit, il a lu les livres. Et quand je me suis réveillée le matin, il m'a dit « J'ai trouvé un génie ». Bon, je me suis dit « Ça ne nous arrive pas souvent, ça ». Donc, il a demandé qui est Reinaldo Arenas. Il travaillait à la Bibliothèque Nationale. Jorge a eu le téléphone. Il a dit « Voilà, je suis Jorge Camacho, tu ne me connais pas. Je suis un peintre, j'habite à Paris. Et on est invité au Salon des Mets. Je suis avec ma femme à l'Hôtel National, viens nous voir. » Et puis, bon, notre expérience en relation avec les Salons des Mets, très enthousiaste, véritablement, mais petit à petit. Et Reinaldo et des autres intellectuels nous ont mis au courant des difficultés qu'ils avaient là-bas pour tout, pour publier, pour vivre, pour tout. Et la persécution qu'il y avait au niveau des homosexuels. Virgilio Piñera était homosexuel, et Reinaldo était homosexuel, etc. etc. Voilà. Donc, bon, la rencontre avec Reinaldo, ça a été capital pour nous, pour lui aussi. Et à notre sortie de Cuba, on lui a dit à Reinaldo, écoute, nous, on va amener tes livres pour qu'ils soient publiés en France. On les a amenés, au Seuil, on les a publiés, mais fidèles, dans un des discours, ils ont interdit la publication à l'étranger. Chose que Reinaldo l'a occasionné des problèmes énormes, même la pression. D'abord, il y a eu des indices, mais enfin, ça, c'est plus tard que tout ça se révèle un peu après. Par exemple, je voyais les gens dans la rue, et tous avec des cornets de glace. Les marchands ambulants, etc. J'ai dit, quel peuple, toujours dansant, toujours en pleine joie. Fallait voir les foules, c'était extraordinaire. On ignorait que les gens avaient faim. Quand je voyais les gens avec leurs cornets de glace dans la rue, je croyais que c'était un surplus, que c'était une récréation qui se donnait, enfin un divertissement. En réalité, ils n'avaient que ça à manger, mais on ne le savait pas. On avait été dans les magasins, on avait bien vu que les magasins étaient vides, les magasins d'alimentation, avec les boîtes de conserve alignées, mais il n'y avait rien dedans. Alors on vous disait que, oui, mais bon, on est en pleine révolution, ça ne se fait pas comme ça. Mais les gens avaient accepté, enfin, ils ne paraissaient pas se plaindre. Au contraire, ils étaient toujours très joyeux. En France, il se passait pas grand-chose. Qu'est-ce qui se passait d'ailleurs en France? Bah, avant 68, il se passait rien. Et après, il s'est plus passé grand-chose d'ailleurs. Alors, on en était encore à... Bernard Ranciac. À rêvasser sur la 1917. Mais ça avait un petit peu ranci. Mais enfin, bon... je passais pour quoi à l'époque? Déjà un anti-américain, quoi. Il y avait la guerre du Vietnam. Je me rappelle une fois, on avait été vachement émus. Devant nous, il y avait une vingtaine de jeunes gens qui étaient des combattants vietnamiens. On entendait tellement parler de ça, nous, de pouvoir les toucher. Et ça, c'était émouvant. Oui. Bah oui, enfin, pour quelqu'un comme moi, disons. Quand on y était, hein, c'était la révolution, était encore en marche, tout le monde était très enthousiaste. Bon, il y en avait qui n'étaient pas très contents. On a quelquefois rencontré des homosexuels, quelquefois dans les arrière-cafés, qui n'étaient pas très heureux parce que Ils allaient en tôle facilement, ceux-là. Hein. Vous en aviez rencontré ? Oui, je me rappelle qu'on en avait rencontré, oui. Puis il y avait aussi des intellectuels qui étaient en tôle, tout de même, ceux qui n'étaient pas d'accord. Enfin, c'était pas un régime gentil avec tout le monde. Mais enfin, à l'époque, comme on disait, quand on fait une révolution, hein, il faut casser des œufs. Donc il y en a qui sont cassés, voilà. Évidemment, on n'a rien vu du tout. Il fallait avoir un œil très exercé pour deviner, disons, des signes de la répression, des signes visibles ou oubliés par le pouvoir de la répression. On sentait bien que c'était un régime fliqué, bien entendu. On avait chacun un guide. Ce guide était aussi, hein, comme toujours dans les pays communistes, un jeune, en général, un espion. Hein. Gentil, mais enfin. Quelqu'un ou quelqu'une qui, dans un café comme ça, engage la conversation. Et puis vous savez très vite que... Mais comme en général, il choisit des gens très intéressants, que vous voulez savoir des choses aussi sur le pays. D'ailleurs, quand on est arrivé, et il y a des gens peintres qu'ils ont amenés en dehors de La Habana pour qu'ils ne soient pas en contact avec nous. Ça, personne l'a su un peu. Au moment du voyage de, oui, au moment de voyage. Oui, tout à fait. On pouvait à peine les croire. On s'est dit, bon, il a dit, bon, mais il y a des gens peintres qui voulaient te rencontrer. Non, nous, on a dit, bon, alors, venez à l'Hôtel National, les invités. Et un jour, ils sont arrivés 5 très jeunes. Et quand ils sont arrivés à la chambre, Jorge les a dit, bon, alors racontez-nous votre expérience. Est-ce que vous avez des peintures? Comment est-ce que vous travaillez? Ou qu'est-ce que vous faites, etc. Comment ça va la situation ici pour vous? Et là, par des gestes, ils ont commencé à nous signaler avec les doigts sur la bouche qu'il fallait faire attention de ce qu'on parlait. Et ils nous ont signalé, il y avait des micros dans la chambre. Il y avait des micros dans toutes les chambres. Moi, ce jour-là, j'ai commencé à douter. Quand j'ai parlé de moi, je parlais aussi de Jorge. On s'est dit, comment dans un pays où on ne peut pas parler dans une chambre avec des gens, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Pendant que certains volontaires vont au champ, et que les miliciennes, volontaires aussi, gardent les grands magasins et les édifices publics. Car on n'oublie pas à Cuba les attentats des contre-révolutionnaires armés par les puissants voisins. Et sur l'histoire de Cuba, sur l'histoire de cette révolution, quels étaient les échos que vous aviez reçus? Vous aviez entendu parler des procès, des exécutions, il y en avait eu quelques-unes quand même juste avant? Non, mais je savais, j'avais suivi quand même à l'époque le déroulement de la révolution. C'était difficile de faire autrement. Alors ça faisait les unes de tous les journaux du monde. Hein. Et surtout du journal américain, du reste, qui était favorable au début, vous savez. Les Américains ont aidé quand même le Castro. Pierre Guyotta. Comme ils en ont aidé d'autres, après. Mais ça, c'est normal. Quand on a du fric, il faut bien l'utiliser. Oui, je savais tout ça, bien sûr. Castro était déjà une figure, mais une figure du tiers-monde, voilà. Bien qu'étant, d'origine européenne, bon teint, etc., élève des jésuites et tout, avocat, fils d'assez bonne famille. Bon, mais c'était le tiers-monde, vraiment. C'était donc assorti d'une espèce de saturation de notre propre origine, si vous voulez, l'origine occidentale. France, Europe, Amérique, tout ça, était mis en accusation à l'époque. Mais il y avait une espèce de troisième voie, au fond, peut-être, qui était le tiers-mondisme, même les tiers-mondistes communistes, c'était une troisième voie. Le tiers-monde, l'épopée, voilà, vous voyez, ça suffisait. Et quand on est jeune, évidemment, une guérilla, c'est toujours extraordinaire, bien entendu. Il faut essayer tout de même, il faut que les vieux d'aujourd'hui se souviennent qu'ils ont été jeunes, quand même. Ils ont eu un sang très vif, qui ne regardait peut-être pas tellement au détail, parce qu'on n'a pas la conscience de ce qu'est la mort à l'époque, on ne sait pas ce que c'est. Donc on la donne par procuration, on se la donne aussi beaucoup à soi-même. Oui, c'est quand on commence à comprendre que la mort est une réalité qu'on commence à déchanter, de toute façon, bien entendu. On ne comprend pas assez ces choses-là. On peut le dire sans passer pour un marxiste attardé. C'était parfaitement légitime à l'époque. C'est pour ça que j'ai aucune raison de ne pas donner mes opinions de l'époque. C'était plus que des opinions, du reste. Des convictions. Des convictions, bien sûr. Et je remarque, du reste, que j'ai pu mesurer, moi, la valeur des convictions des uns et des autres à la douleur qui a été la leur, au fur et à mesure qu'ils redécouvraient, surtout, les horreurs de cette idéologie avait pu produire dans le monde. Cette idéologie dans son contact avec le réel, si je peux dire, oui. Donc il faut la cantonner dans sa fonction d'utopie. Mais quand vous êtes jeune, l'utopie, il faut la réaliser, bien entendu. Soy Cuba. Tus manos están hechas al arado, Mariano. Disparos. J'insiste à quelque chose qui m'a choqué, moi, beaucoup. La police, avec les Subaines, la police, enfin, l'armée, je sais très bien, avait arrêté, près de la baie des Cochons, je crois, par là-bas, des Cubains qui venaient de Miami pour s'introduire dans l'île. Certains étaient blessés, hein, avec la tête pensée, etc. Et donc, on a fait une sorte de conférence de presse, jugement, en quelque sorte, devant la presse internationale, la presse d'extrême-gauche. Hein. C'était, par exemple, pour les États-Unis, c'était une revue qui s'appelle Ramparts. C'était tout de même l'élite de gauche, l'élite internationale de gauche qui était là. Et donc, les gens les interrogeaient. Et j'ai trouvé sans aucune compassion, c'était pas des nazis, hein. C'était des gens simplement qui... pour des raisons politiques ou autres, je ne sais pas très bien, venaient pour... Bon, c'était peut-être des saboteurs, mais enfin, ça ne méritait pas une exposition de ce genre. Et donc, ils étaient interrogés par ces journalistes qui étaient très froids, par exemple, dont certains étaient très dogmatiques, etc. Et je dois dire que on a été quelques-uns à trouver ça assez dégoûtant. Moi, vous savez, comme j'avais été prisonnier en Algérie, je savais ce que c'était que d'être exposé, d'être interrogé et tout, etc. Et j'ai trouvé cette exposition de gens blessés à la tête, vous voyez, avec le sang encore. Non, c'était répugnant. Par contre, certains de nos camarades de voyage, ça ne les gênait pas du tout de voir ce genre-là. Mais ils l'ont mérité, etc. Là aussi, on apprend des choses. Je serais resté là 2 ans, il me laissait là. Mais j'ai eu besoin de rentrer. Et c'est le commencement de la série de qu'en rentrant, qui n'était pas basée du tout sur le plaisir et le respect et l'admiration que j'avais pour Cuba. Quand je suis revenu, j'ai commencé à peindre des meurtres, des trucs. C'est parce que j'avais, quand j'étais à Cuba et resté si longtemps, ma femme a fichu le camp, évidemment. Elle avait sûrement raison. Mais ça, comme ça m'a quand même un peu froissé et peiné, alors j'ai fait des meurtres. Donc Cuba est à l'origine des meurtres. Les meurtres que j'ai faits, c'était le début de ce que je fais toujours, une prise de conscience de ce que je voulais faire en peinture. Alors Cuba est un point pour moi important. C'est à partir de ce moment-là, de mon retour, que j'ai fait quelque chose de spécifique. Vous êtes lié avec des Cubains, avec la distance, là, après le voyage. Je n'ai plus de relation. Ou plutôt, je n'ai plus voulu de relation. Enfin, je veux dire, par exemple, J'avais interrogé longtemps le responsable du cinéma là-bas. Il y avait un centre cinématographique très important à Cuba. Ouais. Bref, ce type qui était pour moi quelqu'un qui incarnait la révolution cubaine, bon, je ne dis pas son nom parce que ce n'est pas la peine. Je l'ai retrouvé à Paris quelques années après, exilé. Je ne l'ai pas revu ici, je n'ai pas voulu le revoir. J'avais honte pour lui. J'avais un peu honte pour moi aussi d'avoir cru, d'avoir fait confiance à ce type. Parce que quand il me faisait cette interview où il me racontait mille choses extraordinaires de Cuba, en même temps, est-ce qu'il ne pensait pas le contraire ou est-ce qu'il ne commençait pas à déguiser un peu ce qu'il pensait? Alors c'est pourquoi je n'ai pas voulu le revoir à Paris. Bon, ça serait aussi écorner un peu le rêve que j'avais fait. Il faut bien le dire. Et finalement, Pierre Guillotat, qu'est-ce que vous avez rapporté de ce voyage? Qu'est-ce que vous y avez appris? Ben moi, à ce moment-là, je me suis beaucoup plus intéressé au marxisme proprement dit, parce que j'ai adhéré au PCF, au fond, un petit moment après, donc j'ai pas mal lu toute cette année-là. Et moi, je sais pas, je suis revenu avec l'idée, c'était pas si bête que ça, au fond, que j'avais des grandes discussions avec des amis qui sont même venus me chercher à l'aéroport, parce que le voyage lui-même est très intéressant, parce qu'on est passé par une compagnie tchèque, je crois, par en haut, pour revenir sur l'Europe, par Terre-Neuve, et on a atterri à Prague. Et moi, j'étais pratiquement tout seul dans cet avion, parce que tout le monde est parti un petit peu, d'une façon un peu lâche, comme ça, un petit peu libre, comme ça. Et donc, j'ai atterri à Prague. Et Prague, alors là, c'était l'inverse absolu. C'était plus le communisme tropical. Le communisme dans toute son horreur, hein. Et là, je suis resté trois jours, et j'ai été viré, moi, de là. Parce que je me suis baladé la nuit. Il y avait des églises ouvertes la nuit, dans Prague. Et c'était très étonnant. Et moi, comme j'aime beaucoup les églises, les monuments, etc., je suis rentré et j'ai beaucoup regardé. Et ça a été très mal vu. Pourtant, j'étais l'hôte de passage, mais officiel. Je suis rentré à l'hôtel, 3h du matin, et j'avais des flics qui étaient là, qui m'ont fait faire mes bagages, qui m'ont emmené manu militari en jeep. J'avais des bagages où j'avais apporté des coraux de Cuba, des tas de choses. Ils ont pris tout ça, ils m'ont cassé le reste d'un truc, sans explication. Et ils m'ont emmené à l'aéroport, ils m'ont viré dans le premier avion. Mais je n'étais pas du tout commotionné. Hein, ça. Ce qui fait que je pouvais comprendre après ce qui pouvait arriver aux gens qui étaient sur place. Vous voyez, quand vous venez du soleil, je veux dire, l'ombre soviétique, surtout qu'elle était passagère. Mais ils ont été quand même assez brutaux, si vous voulez. J'ai eu ces deux lumières du communisme, au fond. Le communisme tropical. Parce que c'est un mot que j'utilise, parce que Castro l'utilisait dans ses discours contre les partis révisionnistes. Il disait, nous sommes, on nous traite de, oui, etc., le communisme tropical. Il y a une place, j'avais fait une photo comme ça, et ça ressemblait beaucoup à Cuba, ça avait quelque chose de Cuba. Et j'ai peint ça. J'ai peint comme une feignée Cuba, mais c'était Nice. Il n'y a personne. Peinture et révolution. Avec Pierre Guyotat, Maurice Nadeau, Jacques Monory, Bernard Rancillac, Margarita Camacho et Yvon Taillandier. Merci pour leur aide précieuse à Jacobo Matchover, Alain Jouffroy et Albert Bitron. Extrait de film « Salut les Cubains » d'Agnès Varda et « Soy Cuba » de Mikhaïl Kalatozov. Mixage, Bernard Lagnel. Un documentaire d'Anaïs Quien, réalisé par Séverine Cassard. Mani, mani, mani. Que si te quieres por el pico divertir, cómprame un cucuruchito de maní. Maní, maní, maní. Caserita, no te cuestes a dormir sin comer un cucurucho de maní. Ay, qué calentito y rico está, ya no se puede pedir más. Ay, caserita, no me dejes ir porque después te vas a arrepentir y va a ser muy tarde ya. Manicero se va, caserita, no te cuestes a dormir sin comer un cucurrucho de maní. Cuando la calle sola está, casera de mi corazón. El manicero entona su pregón y si la niña escucha mi cantar, llama desde su balcón. Voilà donc pour ce troisième documentaire en rediffusion consacré aux révolutions des années 1960. Si vous voulez l'écouter ou le réécouter, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, franceculture.fr. Vous pouvez également discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter à l'adresse Fabrique FC. Fabrique FC, demain, un documentaire sur la crise du Biafra.